Alors en fait, moi pour tout vous dire, j'ai pas toujours été humoriste. Avant, j'étais journaliste. Et vous savez, un journaliste, c'est un petit peu comme un arbre. C'est-à-dire que s'il veut faire de bons papiers, à un moment donné, il doit se laisser abattre. Et en fait, c'est marrant parce que j'étais humoriste et j'étais journaliste, mais j'étais déjà humoriste et je savais pas. Et je disais aux gens, ouais, on va vite commencer l'interview parce qu'on n'a pas le temps. Non, on n'a jamais le temps. À votre avis, pourquoi on s'appelle la presse? Donc j'ai tout arrêté pour faire du spectacle vivant. Hein, et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on disait spectacle vivant. Je disais, ah bon, parce qu'il y a des spectacles morts. Et puis je suis allée au concert de Raphaël. Et en fait, le plus dur, finalement, ça n'a pas été d'écrire ce spectacle que je joue tous les dimanches soirs à 19h au théâtre Le Pronzo, 33 boulevard Bonne Nouvelle, métro Bonne Nouvelle. Non. Bravo. Autopub. Non, le plus dur, ça a été de l'annoncer à mon père. Parce que mon père, lui, il aurait bien aimé que je fasse médecine, hein, comme tout le monde, dans ma famille. Non, mais j'aurais pu. Il y a des chirurgiens qui sont très drôles. Et je vous mets au défi de trouver un humoriste qui sache ouvrir un thorax. Excusez-moi, madame, vous vous tordez de rire ou c'est l'appendicite qui pique un peu? Et puis mon père me disait, mais Christine, les métiers, c'est comme les arbres. Il y en a plein de sortes, mais tous ne nourrissent pas. Tu veux quand même pas être un lierre comme ta mère? Sympa. Paralyser le chêne qui produira des glands? Bien, maintenant je me suis présentée, je vais pouvoir commencer mon sketch. Alors, donc pour Radio Plus, j'ai choisi un sujet, c'est vrai, un peu facile, un peu cliché, mais qu'on aime bien aborder quand on est un humoriste qui débute et qu'on veut surtout pas avoir de problème. C'est bien sûr la religion. Alors, d'un côté, vous avez les gens qui ne croient pas en Dieu. Alors ceux-là, ils disent mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre, pas de maladie, et Florent Pagny n'aurait jamais repris Jacques Brel. En face, vous avez les gens qui croient en Dieu. Hein. Alors ceux-là, ils disent oui, mais s'il n'y avait pas de Dieu, il y aurait deux fois plus de guerre, deux fois plus de maladies, et Florent Pagny aurait repris Joe Dassin. La vérité, messieurs, je vais vous la donner. Dieu, c'est comme un arbre. Si vous lui posez des questions, il répondra pas. Non. Par contre, il sera là pour vous accompagner dans la mort, surtout si c'est un chêne, un sapin ou un mérite. Non, je suis désolée de vous parler de la mort, mais moi, c'est un sujet qui me fait beaucoup réfléchir. J'aimerais bien savoir ce qui se passe après, parce que ça, la vie, c'est un peu comme une émission de surprise, en fait. On saura qu'à la fin, si c'était un canular. Et oui. Et moi, ce que je voudrais, ce serait qu'on se réincarne. Ça, ce serait chouette. Mais ce qui serait encore mieux, c'est qu'on se souvienne de nos vies antérieures. Bah oui, donc forcément, ça voudrait dire que des mythes de l'histoire comme César, Napoléon ou Lolo Ferrari soient encore parmi nous aujourd'hui. Lolo Ferrari, ouais, que son esprit repose en paix. Ah non, c'est vrai, elle en avait pas. Vous imaginez Marie-Antoinette qui serait de retour parmi nous et qui chercherait du travail. Bonjour, alors voilà mon CV. Bon, je vous cache pas qu'au 18e, j'ai un petit peu déconné, hein. Mais je suis la candidate idéale pour ce poste de trésorière. Non, j'ai pas de nouvelles de Louis, non. Mais je le soupçonne d'être Stéphane Bern et de pas vouloir nous le dire. Non, je suis désolée de vous avoir parlé de la mort. Est-ce que, bah, pour réparer, il y en a un parmi vous qui voudrait un câlin? D'accord, non, mais vous battez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, il y a un proverbe chinois qui dit « Il n'y a qu'au flunch qu'on mélange le riz et les frites ». Cela dit... Oui, c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Et cela dit, il y a quand même des artistes qui sont extrêmement généreux avec leur public. Il n'y a pas seulement Frédéric Koester. Il n'y a pas très longtemps, je lisais une interview de Bernard Werber et il disait, me lire, c'est comme faire l'amour avec moi. Non, je sais pas, il aurait pu prévenir, je me serais épilée. Et en fait, je vais vous raconter une anecdote, c'est que figurez-vous que Bernard Werber a entendu dire que je parlais de lui dans mon spectacle. Et un jour, il est venu. Ouais, je vous jure, c'est vrai, il était là, juste en face de moi, et ce soir-là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait une blague sur Georges Clooney? Alors, de depuis, et oui, alors depuis, moi, je cherche à entrer en contact avec un autre écrivain qui s'appelle Nicolas Rey. Donc, pareil, il faudrait que je fasse une petite blague. Mais attaquer les gens sur leur nom de famille, c'est un petit peu facile quand même, je trouve. Hein. Ce serait comme parler de sexe à la radio, parce que tout de suite, ça rend les gens vachement attentifs. Ça va, les gens? Ouais! Alors, la sodomie. La sodomie est un mot beaucoup plus joli que l'activité qu'il nomine. Ah, c'est vrai, on dirait un mot japonais, vous trouvez pas? Ça fait un peu sodomie. Sodomie! Ça pourrait être un plat à base de poisson cru qu'on y croirait. Hein. Ça, on pourrait dire, la sodomie, c'est comme les sushis, c'est bon quand c'est bien préparé. Je vais vous laisser là-dessus. Merci. Christine Béroux.